Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 53e numéro du mag, un mag qui se situera à Batman Day plus 1 pour nous, parce que nous sommes le dimanche 18 septembre 2016, au moment où nous enregistrons cette émission, et nous allons, comme chaque semaine depuis la rentrée, nous amuser autour de l'actu des comics et de leurs adaptations au cinéma et à la télévision. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 53e numéro du mag. Et avec moi, les deux éternels rivaux de cette saison, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer comme de coutume maintenant par un petit instant, comme j'aime bien l'appeler, l'instant pupute. qui devrait plaire cette fois à nos auditeurs, puisque vous le savez, c'était le Batman Day samedi. Nous sommes à Batman Day plus 3 maintenant, vous qui allez nous écouter mardi, jour de diffusion de ce podcast. Il est assez fréquent qu'on récupère quelques petits cadeaux, quelques petits FCBD en plus, etc. Ça n'a pas dérogé pour le Batman Day. J'en ai deux, voilà, à dispo. Donc du coup, si certains voulaient ce fascicule du Batman Day et ne l'ont pas, ou l'ont raté, ou sont tombés sur un libraire pas très coopérant, etc. Voilà, il y en a deux. Les deux premiers qui nous les réclament, eh ben, ils arriveront chez vous. Hein. Suffit juste de les demander par Twitter, par Facebook ou par mail, redac@comicstories.fr. Voilà, c'était pas vraiment du pupute là pour ce coup. Ah oui. C'était pas. J'aime bien ça. C'était pas faites-nous des commentaires, etc. C'est, on vous donne un truc. Ça va. On est gentil. Ça va. On parlera du reste à la fin de l'émission. Du coup. Allez, on va commencer avec les séries télé comme d'habitude. Et les séries télé, on a quelques petites news en bref avant de passer aux trois questions, puisque je vous en ai préparé trois pour cette semaine. Et bah, Arnaud, c'est toi qui t'y colle. Ouais. En démarrant par une bonne nouvelle, c'est que la saison 4 de Agents of S.H.I.E.L.D. démarre donc ce mardi 20 pour les gens qui vont écouter le jour de la sortie. Donc j'ai une nouvelle saison par un épisode qui s'appelle The Ghost, je crois. Ouais. Ouais. Donc, bien évidemment, avec le Ghost Rider qu'on a pu voir un peu partout. Et donc, on en reparle bientôt. On va pas être en train de parler, on n'a pas grand chose à dire là, donc on en reparle voilà. Bientôt. Sachez enfin, qu'on aura vu. Que du coup, ça y est, c'est le gros coup d'envoi de la saison télé. C'est ça. 2016-2017. Et on démarre avec une bonne série. On verra. Et on terminera les news par une mauvaise. Je n'en dis pas plus. Teasing. Et ensuite. Ensuite, on passe à deux news sur Flash. Déjà, on a appris, donc, on savait que Kevin Smith allait revenir pour réaliser un épisode, qui est le 7, je crois, dans mes souvenirs. C'est possible. Oui, je crois. Dans ces eaux-là, en tout cas. Juste avant le crossover, il me semble que c'est le 7, oui. Il me semble que c'est le 7 aussi, bon, autour du 7, disons. Et donc, on a appris que dans cet épisode-là, apparaîtra Dr. Alchemy, qui est donc un rogue. Ouais. J'aurais pu vous faire une question sur cette news d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais il a quand même déclaré un truc, Kevin Smith, en parlant du moment où il a découvert que Dr. Alchemy serait dans son épisode, et du moment où il tournait ces scènes-là, il a quand même dit, j'imagine bien, j'ai dû cacher mon érection avec le script pendant tout le tournage. Voilà. Ça m'étonne pas venant de lui, ce genre d'expression. Continuons avec Flash. Et donc, avant l'épisode de Kevin Smith, il y en aura d'autres. Et donc, on a appris que la CW, a révélé le synopsis du season première, qui démarre le 4 octobre. Et donc, en gros, le résumé de cet épisode qui s'appelle Flashpoint, donc, c'est que Barry vit maintenant une vie rêvée où il est avec Iris, ses parents sont en vie, il a une vie normale. Hein. Sauf qu'il y a un autre speedster qui débarque, qui te flash. Et Barry commence à oublier peu à peu sa vie d'avant. Et des retours également. D'autres personnages, on va essayer de pas trop en dire. Et sauf qu'on lui fait comprendre qu'il doit choisir entre soit perdre tous ses souvenirs et ses pouvoirs, ou choisir de revenir dans son monde. En tant que, soit il reste un Barry Allen normal ou il revient dans son univers en tant que The Flash. On se demande bien de quoi, qu'est-ce qu'il va choisir. Tintin, un gros mystère. Allez, une news du côté de chez Marvel et puis après on passe à la fameuse série. Et News Marvel qui n'est pas officiel pour l'instant, c'est Variety ou Hollywood Reporter. Variety, il me semble. Variety, qui est un site assez important qui a révélé l'info, ce serait que Ben Barnes, qu'on a vu en tant que prince Caspian dans Narnia, je ne sais Ouais. plus combien, 3 je crois. Ouais. Peut-être. Et Variety moi, je aussi. sais 2 ou 3, je ne c'était sais deux. plus. Donc Ben Barnes rejoindrait, pour l'instant c'est pas officiel, hein, rejoindrait le casting du Punisher. Eh ben c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Pourquoi pas? Apparemment. C'est la news qui m'en touche une pour faire bouger l'autre de la semaine. En plus, il C'est jouerait ça. un mafieux. J'ai un peu de mal à voir un Ah. mafieux, mais. Bah, c'est le Enfin, prince une sorte Caspian. de mafieux. Ouais. À voir. Et Et donc, la la grande fameuse news que news, tu rêvais de la nous annoncer. fameuse, c'est sur Gotham, bien sûr. Bon, j'aurais pu être plein d'autres, puisqu'il y a plein d'autres sites dont j'en ai rien à foutre. Mais là, quand même, c'est The News, celle dont tout le monde rêve. C'est le casting rêvé. C'est la mère de Selina Kyle qui arrive à Gotham. Ouais, Après la youhou! mère de dans Arrow, nous avons le droit à celle de Selina. Voilà. Magnifique. Vive les mamans d'ici, apparemment. C'est ça. Donc voilà. S'appellera-t-elle Martha? On verra. On verra dans l'épisode en question. Allez, on va arrêter avec ces news en bref. On va passer à trois questions. Questions qui pour moi sont hyper faciles. Hein. Le gros, le plus difficile, c'est vraiment pour la fin. Là, je pense qu'on va commencer tranquille. Pour quelle occasion prévoit-on la création d'une chanson originale? Arnaud, Arnaud. Oula, ça a été rapide. l'épisode musical Flash Supergirl. Oui, l'épisode musical Flash Supergirl ne verra pas que des reprises et c'est, alors je crois que c'est Berlanti lui-même qui le dit, ils envisagent sérieusement d'écrire et de composer une chanson originale spécialement pour cet épisode. Ça peut être cool. Ça J'ai peut être hâte. marrant. J'ai hâte. J'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Quel personnage donne son nom au titre du prochain épisode de The Flash qui sera réalisé par Kevin Smith? Clément. Oui. Killer Frost. Oui, Clément. Oui. L'épisode 7 donc s'intitulera bien Killer Frost et donc verra le retour de Daniel Panabaker dans son alter ego maléfique, Yopi. peut-être tel qu'on l'a vu sur Terre 2 ou pas, on verra. En tout cas, Killer Frost sera de retour. En plus du Docteur Alchemy dans le même épisode. Pas mal. Cet épisode de Kevin Smith s'annonce intéressant. Effectivement. Et la dernière question, je vais vous demander qui a ri pendant 12 secondes et déclenché une gêne profonde chez un grand nombre en même temps que l'enthousiasme de certains. Pardon. Oui, quelqu'un a ri cette semaine pendant 12 secondes, ce qui a déclenché une profonde gêne chez un grand nombre, dont je fais partie, mais a en même temps déclenché l'enthousiasme de certains. Bah, on va Tu veux commencer juste le là. nom de la personne, pas la raison. Oui, je veux la personne. Arnaud. Oui. Pur hasard, Geoff Jones. Non. Un truc On est sur dans BVS. l'univers des séries télé, hein. Ah oui, c'est vrai. Attention. Ah, je savais Qui que je vous est? piégerais avec celle-là. Clément? Oui. Greg Berlanti? Non. Arnaud? Oui. Stéphane Hamel? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est bien dans l'univers d'ici, mais c'est pas ça. Alors, quelqu'un qui arrive pendant 12 secondes? Quelqu'un a ri pendant 12 secondes. Donc, précisément 12 secondes. Ah oui, 12 secondes précisément, parce que j'ai compté pour la question. Et ça a déclenché une gêne, mais vraiment une grosse gêne, hein, chez moi en tout cas, et chez certains, il suffit de lire les commentaires suite à ça. Mais il y en a quand même certains qui étaient contents. Putain. Okay. Alors une série Ça d'ici. concerne une série DC qui va revenir prochainement. Bah, très prochainement d'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine aussi. Ça va être une des premières à reprendre. Comment? Merde, comment il s'appelle celui-là? Arnaud? Clément? Alors Clément? Arnaud puis Clément. Bruno Heller? Non, Clément. Ben Mackenzie? Non. Mais vous y êtes là. Vous y êtes. C'est Gotham. Clément. Ah, Clément. David Mazouz? Non. Mais qui est-ce qui rit, Clément? bordel? Oui, Clément. Ah! Arnaud? Non, Clément. Ah! C'est Clément a C'est dans demandé. Gotham? Oui. Bah, Robin Lord Taylor? Non. Arnaud. Comment il s'appelle? Cameron Monaghan. Cameron Monaghan, l'acteur qui interprète Jérôme dans la série De Gotham, retour. a posté sur Instagram une vidéo sans image où il y a juste le son où il prononce Hello Gotham et après il se met à rire pendant 12 secondes. Allez, on passe aux comics VF. En bref, les comics Star Wars de décembre chez Panini, ce sera Han Solo et le tome 1 de la série Poe Dameron avec les 3 premiers épisodes de la série, scénarisés par Charles Soule et Phil Noto, ainsi que l'épisode spécial centré sur C-3PO qui explique notamment d'où vient ce fameux bras rouge de l'épisode 7. Important. Et les sorties de la semaine du côté des comics VF, mercredi, je vous invite à ne pas manquer Rumble, le tome 2 chez Glénat, et Chrononauts, le tome 1 chez Panini. S'il faut en choisir J'ai eu qu'un des deux, peur. évidemment, Ouais. évidemment, ce sera Rumble s'il faut en choisir qu'un. Hein. Quant à vendredi, il y en a plusieurs, hein, mais on retiendra Brian Azzarello présente Hellblazer, le tome 1, et le hors-série de Superman Univers, tome 3, numéro 3 plutôt. Voilà, 5,90 € pour avoir une histoire complète de Superman. Une histoire complète pour 5,90 €. Voilà, pensons à toutes les bourses. Et Dieu sait que nous aimons y penser chez nous. Le chiffre de la semaine, j'ai retenu quatre chiffres. Eh oui, quatre chiffres. Oh mon Dieu. Il va être temps de se décarcasser. Vous savez que quand je choisis des chiffres, Ça fait mal. ils sont toujours costauds. Et le premier chiffre, 850 000. 850 000. 850 000, à quoi est-ce que ça peut bien correspondre? Allez, je vous aide. On est du... Arnaud. Oui. Ah, bah, je ne vous aide pas, Arnaud, vas-y. C'est la différence entre les recettes de Captain America, Soldat d'hiver et Suicide Squad. Non, on est du côté de la télé, c'est ça que je voulais vous dire pour vous aider. Ah. Ah, c'est aux côtés de la télé. Oui, 850 000. 150 000, Arnaud. Oui. C'est un nombre de préventes pour Doctor Strange dans un pays. Oui, sauf que c'est de la télé. Ah oui, merde. Clément. Oui. Ah, c'est sûr. Un J'ai été putain, franchement. peu là quand même. Je sais pas, l'audience pour le retour de Arrow en France, non? Ah non, c'était 1,2 million. Ah ouais. Mais alors là, tu touches du doigt, quoi. Tu touches du doigt le sujet. Arnaud. Oui. Ça sera pas ça, mais l'audience de Legends of Tomorrow. Oui, c'est l'audience en téléspectateurs Sérieux? du lancement de Legends of Tomorrow sur TMC samedi. 850 000 téléspectateurs en moyenne sur la soirée, 4% C'est de un flop, hein. cinquième chaîne nationale, leader TNT. Et Non, bah non, en fait. c'est une forte progression sur cette case pour TMC par rapport au samedi habituel, donc en termes de part de marché en tout cas. Donc Donc ce n'est pas un flop, d'accord. TMC a plutôt l'air de s'en féliciter. Après, Et merde. on va voir sur les semaines suivantes ce que ça donne. Arrow, oui, c'était 1,2 million à hein, la moyenne sur le retour cette semaine, ce qui est en dessous de la saison 3 hein, qui avait démarré à 1,9. Voilà, pour être complet, donc de saison en saison, Arrow se casse la gueule. On se demande pourquoi. Ce qui On sous-entend se... que le Ouais. public de TF1 aurait peut-être du goût. Ne rentrons pas dans des polémiques. Allez, deuxième chiffre, 10,26 millions. Là, on passe le cap, là. Arnaud, Oui. c'est les ventes d'un comics DC Rebirth. Oh non, non, bah 10,26 millions, non. C'est côté quoi? C'est côté comics, papier. Oui. La différence de recettes entre Marvel et DC sur le mois d'août? 10 millions, combien? 10,26 millions. 10 260 000, si tu préfères. Ce chiffre-là n'a jamais été atteint depuis près de 20 ans. Ça faisait à Arnaud. peu près 20 ans qu'on n'avait pas atteint un tel chiffre. Oui, Arnaud. Le nombre de comics sortis sur une période donnée. Non. Sur un an ou un truc comme ça. Non. Voilà, 10 millions de comics sur une période d'un an, c'est... Il Il y faut... en a avec toutes les ventes et tout, les ressorties, ça. Dix 2 ans, millions, je sais pas. 10 260 000, c'est un chiffre qui concerne une période donnée, effectivement, beaucoup plus courte qu'une année, et qui c'est une première. Ça n'avait, voilà, jamais on avait passé la barre des 10 millions depuis à peu près 20 ans, nous dit Diamond. Et c'est un indice Clément, qu'on donne, oui. le nombre de comics en quantité vendus sur la période d'août ou estivale? C'est ça, c'est le nombre de comics vendus au mois d'août. 10 260 000 comics se sont écoulés sur le seul mois d'août 2016, c'était jamais arrivé depuis 20 ans que la barre des 10 millions soit dépassée. Donc Vache. Diamond souligne une très très bonne santé du marché pour le mois d'août. Alors ça. Dû à qui? Dû à DC en grande partie, hein, puisque, et je vais citer ce titre de Bleeding Cool. Voilà, je cite rarement les sites sur lesquels je vais voir des news, etc. Mais là, Bleeding Cool a sorti un titre cette semaine qui m'a, voilà, qui m'a donné des frissons de plaisir. DC Comics humilie Marvel dans les parts de marché au mois d'août. Ah, c'est bon ça. Et voir ce DC Comics humiliate Marvel, Ah, ça fait Ça m'a tellement fait plaisir. plaisir. Ça m'a fait plaisir. On va rester dans les chiffres toujours. Et si je vous dis 44%, et là aussi, c'est impressionnant. Clément, Clément, Oui. la part de marché pour d'ici au mois d'août. Alors, il se trouve que le hasard veut que oui, ce soit ça, mais ce n'est pas ce 44%-là. En termes d'unité, effectivement, 44,59% des comics vendus étaient des comics DC au mois d'août. On va juste revenir quelques mois en arrière, hein, et se rappeler que, genre, ne serait-ce qu'au mois de mai, c'était 26%. Oh mon Dieu. Combien? 26%. 26. Oh, ils ont quasiment doublé, Ils sont mais passés à c'est 44, dingue. voilà. Juste, voilà. C'est ce petit rappel. Mais c'est pas ce 44%-là dont je parle. C'est un 44% que je trouve beaucoup plus significatif. Toujours dans les Une comics, comparaison. hein. Oui. Clément? On est toujours dans les chiffres devant. Ah. Oui, Clément. Le nombre, comment dire, la différence entre Marvel et DC en termes de quantité de comics vendus. Non, c'est un tiers. Marvel a vendu un tiers de comics en plus, a sorti un tiers de titres en plus que DC sur le mois d'août et se contente de 32% de ventes contre 44,59% pour DC en termes d'unités. Et c'est en ça que Marvel se fait humilier au mois d'août, c'est qu'en sortant un tiers de comics en plus, ils sont 12 points derrière. Oh putain, c'est Donc trop, voilà. c'est jouissif. L'humiliation est à cette échelle-là, mais ce n'est pas ces 44% encore dont je voulais vous parler. C'est une comparaison. 44%, c'est une Ah comparaison. bah Clément, Oui. l'augmentation de, enfin l'augmentation par rapport aux chiffres l'année dernière à la même période. Exactement. 44% de comics ont été vendus en plus en août 2016 par rapport à août 2015. Oh la Quand vache. même. C'est Voilà. énorme. Et quelle est la différence entre ces deux mois-ci? Eh bien, c'est DC Rebirth. Donc, ça veut tout dire et donc stratégie DC large. Rebirth est un succès de vente. On aurait du mal à le dire autrement, puisqu'en 2 mois Ah ben, c'est d'existence, stratégique. depuis 2 mois que DC Rebirth est lancé, rappelez-vous, on était parti au mois de juin à la milieu d'année sur un marché des comics qui faisait la gueule, qui était en net recul par rapport à 2015. Et maintenant que 2 mois de Rebirth ont passé, nous sommes à 0,06% de progression. Donc la barre a été Je pense complètement que, redressée. je pense que, enfin, je pense qu'il y a des, il y a déjà des conclusions à tirer. Le premier point, c'est clairement les lecteurs avaient besoin du côté de DC et c'est peut-être pareil du côté de Marvel finalement. Mais en tout cas, les lecteurs de comics avaient besoin de retrouver cette part d'héritage et cette retrouver l'histoire des comics et tout ce qui a fait le succès des comics. Mais surtout, c'est bien la preuve que, eh ben, c'est bien la preuve que quand tu mets des comics à 3 $. Tu Au en vends. prix qui était dedans. Tu en vends, donc c'est bien qu'il y a, enfin, quand les maisons d'édition, enfin, là en l'occurrence DC, te remet à 3 $ le prix unique, et ben ils achètent. Enfin, c'est voilà, c'est ces deux conclusions-là, quoi. C'est l'héritage, la stratégie de DC qui est largement payante et qui est réussie, et bravo à eux, et aussi en termes de prix, quoi. C'est pas un hasard. Donc c'est impressionnant. Pour le moment, buzz positif. C'est encore trop tôt pour parler de réussite de la stratégie DC. On n'avait pas eu de relaunch chez DC depuis 4 ans, hein, presque 5 même. Mais bon, Donc voilà, en 2 mois. pour le moment, c'est le succès d'un relaunch. On verra si c'est le succès d'une stratégie au long cours dans quelques mois, si ça perdure, ou si on est juste sur un effet New 52 et qu'au final, ça va se casser la gueule comme les New 52. Mais pour le moment, en tout cas, oui, c'est un relaunch qui paye. Et effectivement, forcément, le lecteur est plutôt gagnant vis-à-vis des prix, hein, puisque Ouais. voilà, l'addition a baissé. Même si on est sur du bimensuel pour beaucoup de titres, l'addition a quand même baissé. Bien, on va rester avec un dernier petit chiffre. Alors pour le moment, Clément rafle tout, hein, du côté des chiffres. 3 sur 3. On va voir si tu vas faire le grand chelem avec ce dernier chiffre qui est le chiffre de 10, un chiffre tout rond. C'est encore sur les comics? C'est toujours dans les comics. Et c'est toujours dans les ventes. Allez, c'est... Oh bon, j'ai perdu. Et c'est pour moi le plus gros signe de l'humiliation de Marvel ce mois-ci. 10. Bah, la différence de points en termes de... Non. En recettes? Non. Bonne question. Il y a encore une chose qu'on n'a pas abordée dans les chiffres de vente du mois précédent, et ben c'est lié à cette chose-là. Oh, mais j'y connais rien. D'habitude, on parle des parts de marché, on parle de la progression, et après, on s'intéresse à une dernière chose. Et les parts de marché, les ventes, quoi? Bah, le nombre d'unités vendues. Quand je vous parle des chiffres comics, en général, je vous parle des parts de marché, des classements des éditeurs, etc. La progression, et après, il y a d'autres... Ah, sujets. Clément. Clément. Oui. Combien de titres DC dans le top 10? Alors non, c'est 9. C'est 9. Il y a 9 titres DC dans le top 10 du mois d'août, ce qui est hallucinant. Enfin, quand on se rappelle de l'état de DC il y a quelques mois, c'est Harley Quinn numéro 1 qui se place en première place, suivi de All-Star Batman numéro 1, de Suicide Squad numéro 1. Le comics Marvel qui se trouve dans le top 10, c'est Amazing Spider-Man numéro 16. Et puis après, on a Suicide Squad Rebirth numéro 1, Batman 4 et 5, Justice League 2, Harley Quinn 2 et Supergirl Rebirth. Ça faisait des lustres qu'il n'y avait pas un comic Supergirl dans le top 10. Mais 10, ce n'est pas ça, puisque le nombre de comics DC dans le top 10, c'est 1, c'est 9. Mais tu n'es pas très loin quand même. Il y a de ça dans l'idée, quoi. 10. 10, c'est ridicule. C'est dans le sens où c'est petit, le 10. Ne cherchez pas quelque chose de grand dans ce 10, c'est quelque chose de petit. Quelque chose de petit? C'est lié au top des ventes, et c'est quelque chose de petit, et ça concerne Marvel. 10 Marvel. À quelle meilleure place se situe un comics Marvel ce mois-ci? C'est le quatrième, Amazing Spider-Man numéro 16, donc non, c'est pas ça. 10, c'est un nombre de comics Marvel. 10 ? 10, c'est un nombre de comics Marvel. Maintenant, à vous de faire le reste. Et là, je vous ai pré-mâché le travail. Clément ? Oui. Les pires ventes d'un comics Marvel ce mois-ci ? Non. Il y a, je vais vous la donner, 10 comics Marvel dans le top 50 du mois d'août. Un top 50 en plus, ça. Oh putain! Je savais pas. Ça va même jusqu'à 300. Diamond a sorti les 100 premiers là, cette semaine, et il n'y a que 10 titres Marvel dans les 50 premières. Oh la violence! Il y a un titre Image, et donc vous l'avez compris, 39 titres DC dans le top 50. Voilà. C'est pour vous dire à quel point le mot humiliation est bien choisi par Dylan Cole. Ah ouais, non! Je n'aurais pas trouvé meilleur mot. Oh. Et si on veut aller plus loin, mais... si on va dans le top, plus loin, entre la place 50 et la place 100, et ben c'est là qu'ils sont les comics Marvel. Il y en a 39 entre la 50e et la 100e place. Tous les comics qui occupaient le haut du tableau se trouvent maintenant après la 50e place. Oh, et pour la deuxième fois consécutive, c'est le deuxième mois consécutif qu'il faut descendre jusqu'à la 20e place pour trouver un titre Star Wars. 20e. C'est arrivé depuis que Marvel a repris la franchise Star Wars. Il y avait toujours des titres Star Wars. La plupart du temps dans les top 10, je n'ai pas souvenir qu'ils soient sortis du top 10, à part le mois dernier. Et bien là, pour la deuxième fois consécutive, il faut aller à la 20e place pour trouver Star Wars et à la 32e, je crois, pour Dark Vador. Ah oui, mais là, c'est vraiment une humiliation, quoi. Voilà. On attend les chiffres de septembre. Je dirais même que c'est un fist. Bon, dis donc. Moi, les chiffres, voilà. Les chiffres me plaisent bien, et là ils sont vraiment parlants et sont évocateurs d'une tendance. Septembre c'est va clair. Être intéressant, octobre le sera encore plus, puisqu'on se dirige vers un relaunch du côté de Marvel cet automne. Donc on va voir si les cartes vont être rééquilibrées ou si ce relaunch ne va faire qu'augmenter l'hémorragie et susciter un départ des lecteurs qui en auraient peut-être marre des relaunchs à répétition chez Marvel et trouver cette occasion. Et des prix aussi. Et des prix aussi, voilà. Donc ça va être intéressant de suivre sur la deuxième partie de l'année les chiffres de vente, et en tout cas. C'est assez passionnant, je trouve. Allez, on va passer au cinéma. On va passer au cinéma avec, en bref, Clément, je crois. Je sais pas. C'est pas toi, c'est pas grave, ce sera toi. Non. Allez. Bon, bah, ça sera moi. Ouais, donc en bref, un nouveau synopsis pour Doctor Strange. On va pas dévoiler, il y a juste 3 mots qui ont changé. D'accord. Non. Une nouvelle qui va ravir Mathieu. Je fais des petits bonds depuis que j'ai lu cet article. Donc la suite de Man of Steel a été confirmée cette semaine par le staff de Henry Cavill et apparemment Henry Cavill serait comment dire très impliqué dans la production de Man of Steel 2. En même Donc on temps, Ben est Affleck est impliqué dans la production de Batman. Henry Cavill ne vous allez sûrement pas être en reste. C'est plutôt lui. vachement impatient, youhou. Et Ok. enfin, et là, moi, je trouve que c'est la Ça, c'est la meilleure news what nouvelle. the fuck. Non, c'est pas what the fuck. Il fallait que ça arrive. C'était obligatoire. Si, si, si. C'est C'est la seule. le Ah, la bizarre, façon dont ça va être fait, oui, c'est un peu étrange. oui, c'est étrange, mais je trouve que ça reste la meilleure nouvelle de la semaine Oui, bien au sûr. niveau cinéma. Stan Lee va avoir le droit à son film. Un film sur Stan Lee est en préparation. Et c'est vrai que la manière dont ça va être abordé, ça risque d'être assez what the fuck. Mais vraiment. Bah oui, ils veulent Arnaud. en faire un film d'espionnage type années 70. Voilà. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc le Stanley, le jour qui dessine Spider-Man et la nuit agent secret. Voilà, voilà. Ça va être palpitant tout ça. Donc Je un me film. demande qui va pouvoir incarner Stanley quand même. C'est Ah, pas n'importe qui. il y a déjà des shortlists qui circulent, c'est tout des noms que les rédactions aimeraient bien voir. Hein. On a Oui, vu c'est plutôt ça. notamment cet été une affiche détournée avec Bryan Bryan Cranston. Thompson. C'était pas une affiche. Enfin, oui, c'était une affiche C'était détournée, c'est l'affiche d'un vrai film, un et vrai avec film. Hein. voilà, un film qui est à l'écran en ce moment d'ailleurs. Ouais. Allez, une petite question du côté du cinéma. J'espère que celle-ci va vous faire sécher. J'espère, mais c'est pas sûr. Une photo prise au siège de chez Porsche à Atlanta a fait beaucoup parler. Ah, Clément, vas-y. c'est par rapport Bon, je comprends. au prochain film Spider-Man, c'est ça, The Homecoming Spider-Man, c'est Tom Holland qui a Homecoming. été vu Homecoming. Homecoming, et donc c'est par rapport au tournage du film Spider-Man, ça voudrait peut-être dire qu'il y aura un passage côté Avengers, qu'on verrait Alors les Avengers. pourquoi le fait qu'il ait pris une photo au siège de Porsche à Atlanta? C'est par rapport à Tony Stark. Pas du tout. Non, par rapport au Tu l'as, siège des Avengers. tu as la bonne news, mais voilà, la Sur les réponse, sièges c'est d'Avengers. que le siège de Porsche à Atlanta, c'est le bâtiment qui sert de décor pour C'est ça, le les parterre Avengers. des Avengers. Voilà. Donc tout de suite, quand on a vu Tom Holland poster cette photo sur son Instagram, en direct du siège Porsche à Atlanta, on s'est dit, ah, il est en train de tourner des scènes au QG des Avengers. Donc à voir si on aura une visite de Spidey chez les Vengeurs dans le film Homecoming l'année prochaine. Intéressant. Oui. Allez, on va passer la page du ciné et on va partir dans les citations. Et spoiler, il n'y a pas de citation de Stan Lee cette semaine. La première, we do consider everyone. Nous considérons tout le monde. Nous envisageons tout le monde. Arnaud. Qui a dit ça? Oui. Merde. Ah non. Non, attends, Jeff Love. Considérons tout le monde. We do consider everyone. On envisage tout le monde. Ah, attends. Putain. Bah si. Mmh. Comment? Arnaud, forcément, we do consider everyone qui peut avoir besoin de beaucoup de monde. Comment? Les frères Russo? Bah oui, les frères Ouais, Russo. Infinity Ah ouais, War. Hein. frère. À propos de la possibilité de voir les personnages Netflix et des séries télé Marvel dans Infinity War, ils ont déclaré cette semaine, We do consider everyone, on envisage tout le monde. On ne veut pas être vraiment très spécifique à propos de ce qui va se passer dans ces films. On veut que ces films restent une surprise pour le Ouais, public. il n'y aura rien. Faut pas trop espérer. Et ils ont également ajouté que ils ont montré avec Civil War qu'il n'y avait pas besoin qu'un personnage ait beaucoup de temps de présence à l'écran pour avoir une storyline intéressante et susciter l'engouement dans le public. Bonne blague. Voilà. Lol. Je pense qu'il parlait de Spider-Man en disant ça. Oui, mais Oui. les autres après, ils servent pas à grand chose. Donc Coucou Vision. du coup voilà. À voir. À la deuxième phrase de la semaine, c'est ma phrase préférée depuis qu'on se prête à ce petit jeu des citations parce que vraiment celle-ci, jamais j'aurais pensé l'entendre prononcer et jamais j'aurais pensé pouvoir en parler dans le mag parce que voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait cette semaine en prononçant cette phrase. Cette J'ai phrase peur. est, et alors accrochez-vous. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu-là, mais alors, voici la phrase. C'est le deuxième plus gros coussin péteur du monde. Ah ouais. Hein? C'est le deuxième plus gros coussin péteur du monde. What the fuck? Elle a été dite en français? Elle a été dite telle que je vous la donne, puisque quand elles sont en anglais, je fais l'effort de vous la donner dans un anglais approximatif. Deuxième plus gros coussin C'est péteur. le deuxième plus gros coussin péteur du monde. Je peux vous le dire, c'est un Oui. coussin péteur Adventure Time. D'accord. Adventure Voilà. Time. Qui a bien pu dire à propos de ça, c'est le deuxième plus gros coussin péteur du monde. Il s'est passé quelque chose en France cette semaine dans l'actu des comics. Ah, Arnaud, Oui. quelqu'un de chez la Comic Con. Et oui, c'est l'organisation du Comic Con Paris lors de la conférence de presse cette semaine qui nous a présenté la présence d'un gros coussin péteur Adventure Time comme une des animations de cette édition 2016. Pardon. Ok. Sérieusement. Et oui, La voilà. tristesse. Alors, c'était juste La pour tristesse parler, excessive. de cette conférence de presse du Comic Con Paris qui a eu lieu cette semaine, où ils ont présenté la liste de leurs invités et des animations notamment. À un mois de l'événement, il était temps, j'ai envie de dire, hein, quand on vend des places depuis près d'un an sans avoir fait trop d'annonces, voilà, à part le prix du dîner. Du coup, voilà, la liste des invités a été donnée. On en connaissait beaucoup, hein, Terry Moore, Tony Moore, Chad Hardin, Greg Pak, Mirko Kolak. On a du Marcus Thorne, on a David Lopez du côté de Panini avec Marco Cecchetto, Alberto Jiménez qui revient chez Glénat, Kieron Gillen et Jimmy McElvey, on le savait, du côté de chez Glénat aussi. Voilà, c'est en tout une vingtaine d'artistes comics qui seront présents sur le Comic Con Paris. Et moi, je vous invite. Je vais pas donner mon avis plus que ça. Voilà, sur ce qui a été annoncé. Je vous invite juste à aller lire sur comicbox.com, donc le site du magazine papier Comicbox, un excellent magazine et un site toujours voilà pertinent dans ses analyses, etc. Allez voir l'article. Il s'appelle Comic Con Paris 2016, le temps des questions, où il décortique un petit peu les annonces qui ont été faites et ce qu'elles révèlent. Ce qu'elle révèle de ce salon, notamment en termes de prix d'entrée, hein, qui est quand même 33% supérieur Ouais, à ce qui se fait du côté de la concurrence sur plusieurs autres conventions. On rappelle que la Comic Con, c'est 5 euros pour entrer. Voilà. 21 euros pour accéder à Comic Con. C'était entre 14 et 16 euros pour la PCE, pour un plateau de 100 invités. Voilà, Lille Comics Festival qui aura lieu ce week-end, là, le 24 et 25 c'est septembre prochain. gratuit. Si vous êtes du côté de chez Lille, allez au Lille Comics Festival. C'est beaucoup trop loin pour moi, mais je n'entends que des choses positives sur ce truc-là. Allez-y, allez-y, Mais c'est gratuit. l'entrée est gratuite au Lille Comics Festival. Voilà. Donc des petites structures comme ça arrivent à faire venir des grands noms, et là, on nous annonce un coussin péteur et 20 artistes comics. Voilà. Ouais. On nous parle Super. également de la présence évidemment de l'avant-première du film Doctor Strange qui aura lieu lors de la Comic Con Paris, mais qui de toute façon, et c'est dit dans l'article et c'est intéressant, de toute façon aurait eu lieu au Grand Rex. Juste, elle n'a pas lieu au même endroit. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qui va pouvoir accéder à cette salle. Parce que le nombre de personnes qui paieront leur entrée en espérant aller à l'avant-première et qui se retrouveront refoulées parce que ça va pas être dans une salle qui pourra contenir tout le monde. Voilà. Enfin voilà, il y a un vrai article du côté de Comic Box qui est signé du rédac chef, hein, du magazine, Xavier Fournier, qui est vraiment passionnant. Voilà. Donc allez le lire, c'est vraiment, vraiment très très intéressant, notamment sur l'artiste aller, sur les conditions pour les artistes pour accéder à la pour prendre une table, hein, le prix d'une table. Par rapport à d'autres salons, on comprend que les artistes ne sont pas forcément contents et gagnent un peu moins. L'absence d'Urban Comics également, qui n'est encore pas là pour cette édition 2016, qui continue à l'ignorer. Et puis cette conclusion, quand même. Mais est-ce que pour le prix et pour la cible, Comic Con Paris propose vraiment 30% de plus de contenu que la concurrence? Le deuxième plus grand coussin péteur au monde peut-il pallier à l'absence de vendeurs de comics spécialisés? Et peut-on comprendre que la partie purement comics puisse être comparable à celle de structures associatives dans des villes moins centrales? Pour les questions, c'est vraiment le moment. Voilà la conclusion de cet article Bim! que je vous invite à aller lire, qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien écrit. Voilà. Voilà, c'était le point Comic-Con Paris. Autant vous dire. Ou plutôt Comic-Con bashing, Paris bashing. Autant vous dire qu'on ne risque pas encore cette année de couvrir le salon. Comics VO, allez, il nous reste, on prend du temps cette semaine parce qu'on n'a qu'un enregistrement, mais quand même, on va accélérer un petit peu. Comics VO, Ouais. en bref, c'était toi Clément qui voulais les faire? Ouais. Alors vas-y. On va dire que c'est le retour d'une formule chez DC. Donc pour le 14 décembre, DC Comics a annoncé DC Rebirth Holiday Special. Donc en fait, ça va être un... tu m'as dit c'est 96 pages, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Un comics de 96 pages, donc qui va être une sorte de... un recueil de petites histoires par une multitude d'artistes. Voilà, autour du thème de holiday, donc de Noël, hein, des fêtes de fin d'année, Voilà, etc. donc bon, ça peut être sympa. On n'a pas d'infos sur le prix encore, ou alors je l'ai manqué, mais en tout cas c'est pour le 14 décembre, donc voilà, pour les fêtes, un petit fascicule de 96 pages, ça peut être cool, effectivement. On continue, Clément, avec deux événements du côté des comics papier cette semaine. Non, Alors c'est moi qui les ai mis en donc. conducteur et qui les ai lus, donc si tu veux, je peux peut-être les dire rapidement, Oui, vas-y, parce sans que. spoil. Sans spoil, l'identité de Godspeed a été dévoilée dans le dernier numéro de The Flash qui est sorti ce mercredi, donc The Flash numéro 6, ce fameux nouveau méchant auquel est Ocean. Voilà, son identité a été révélée. Je n'en dis pas plus. Effectivement, certains considèrent ça comme une grosse surprise. Mais surtout, le vrai événement, il se passe du côté de Detective Comics 940 ce mois-ci, enfin cette semaine, Oui. qui a fait sortir de la scène un personnage très important de l'univers DC. Très important. Voilà. Ah ouais. Nous n'en dirons là encore pas plus, Tiens à voir par toi-même. mais ça prouve que Detective Comics est également voilà, est une des séries à suivre de ce DC Rebirth, puisqu'on ne s'y attendait peut-être pas, mais voilà, une partie de la suite du One Shot se joue notamment dans ce numéro Detective Comics numéro 940. Donc voilà. Après un passage dans The Flash, le One Shot a maintenant des répercussions du côté de Detective Ah ouais? Comics. Ah putain, je vais lire ça Et alors. puis dernière annonce, Clément, du coup. Tu peux reprendre. Bon, est-ce que c'est une surprise? Moi, je trouve pas. Mais bon, c'est logique. James Tynion 4 donc, signe un contrat d'exclusivité avec DC. Donc, pour rappel, ce scénariste, c'est ni plus ni moins que le protégé de Snyder. Et qui est donc aux manettes sur le fameux Détective Comics, dont le numéro 940 a quand même amener des choses qui vont être assez importantes pour la suite de l'univers DC. Allez, deux questions pour terminer. La première, un jeu de société va faire l'objet d'une campagne Kickstarter un peu plus tard dans l'année. Il a été annoncé par une des grosses firmes comics en association avec un fabricant de jeux. Mais quel personnage mettra-t-il en avant? Eh oui. Il y a un jeu de société qui va sortir là, à la fin de l'année, via Kickstarter, une campagne de financement. Mais c'est un jeu de société sur qui? Un Un jeu de personnage plateau. de société. Oui, DC, c'est du côté de DC. Oui, donc là, un Kickstarter. Hein. Bah, ça m'a surpris aussi quand j'ai vu ça. Donc j'irai investiguer un petit peu plus dans la semaine et je ferai un rectificatif si jamais ce n'était pas le cas. Mais ouais, j'ai bien lu qu'il était mentionné une Qu'est-ce qu'il campagne y a de chez DC? Kickstarter qui commencerait later this Arnaud? year. Oui. Arnaud? Batman? Non, c'est pas un jeu Batman. Arnaud? Oui. DC, je vais dire. Justice League? Ouais, c'est un jeu de société de Justice League qui est annoncé. Sérieux? Voilà. Un jeu de plateau où on pourra incarner à la fois la Justice League et les méchants. Il y aura des missions à mener. Voilà, c'est un jeu qui a l'air assez scénarisé, apparemment. Qui a l'air plutôt cool. La boîte est plutôt sympa. Vous pouvez aller voir la photo sur Internet. Hein. Ouais, je vais aller voir. Elle est disponible. Voilà. Il y aura une campagne a priori Kickstarter dans l'année, si j'ai tout bien compris. Je pense que c'est le cas. Donc voilà, un jeu société Justice League est Ah annoncé. Un ouais, vrai jeu de plateau. Voilà. ça a l'air sympa. Sera pas juste un jeu à collectionner comme l'étaient les Heroclix ou les trading cards ou les jeux de dés, etc. Voilà, ça J'aime sera bien le dessin déjà. un jeu un peu plus plateau. Et dernière question de cette émission avant de passer au fun fact de la semaine. Je vais quand même donner un point à Arnaud hein, parce que cette Ouais. semaine, il n'en a pas forcément remarqué beaucoup. D'ailleurs, vous êtes à 4 partout tiens, sur cette émission pour le moment. M'en fous, j'ai marqué 9 Ah, la semaine dernière. il reste deux questions. Dans quel comics a-t-on pu voir un costume de Batman qui présente de nombreuses similitudes avec celui qui a été Oh dévoilé oui, cette je l'ai lu semaine cette news. pour le film Justice League. Donc, Je l'ai lu. pendant que tu réfléchis, et je te donnerai la parole après, une photo du costume de Ben Affleck, Le nom de du Justice comics, League a non? été diffusée. Mais on l'a vu déjà dans un. Enfin, on a vu des costumes comics qui étaient assez similaires à celui-là, où il y en a Le deux. nom du comics. Il y a deux comics. Clément? Un point par comics trouvé. Oui, Clément, premier. Justice League? Non. Clément? Arnaud. Alors, Clément puis Arnaud. Bah attends, j'ai dit Oui, Clément. Batman. Vas-y. Non. Bah, ça, tu te doutes bien que si que je m'attends pas à ce que tu me répondes Batman pour le costume de Batman. Arnaud, Arnaud, oui. Multiversity. Oui. Ah putain. On a vu un costume assez similaire dans Multiversity Mastermen. Vous savez ce numéro où les Oui, ils sont personnages tous jouent des nazis. versions, où jouent des versions nazies d'eux-mêmes? Ah. Voilà. Donc le costume de Ben Affleck se présente de Ben Affleck, et pas Ben Affleck, je sais pas pourquoi je dis Ben Affleck, ce ne sont pas des céréales. Voilà, le costume porté par Ben Affleck sur la photo présente beaucoup de similitudes, notamment au niveau des lunettes, de la ceinture, etc., avec ce fameux costume qu'on a pu Ouais, apercevoir beaucoup fait dans penser Multiversity à Mastermind. Night Owl aussi de Watchmen. Et ben voilà, tu viens de marquer le deuxième, puisque c'était l'autre costume qui ressemblait, qui avait là, le costume de Night Owl avec, dans Watchmen, avec notamment effectivement ses lunettes. Bah oui, quand même, puis les petites Les les. petites oreilles, etc. Voilà. Donc, Ouais. y a pas mal de similitudes avec ces deux costumes-là. Est-ce que c'est volontaire ou pas, on ne sait pas. Hein, c'est juste des choses qui ont été relevées comme ça par de nombreux lecteurs. Et effectivement, concernant Mastermind et concernant Night Owl dans Watchmen, c'est assez bluffant. Enfin, c'est assez bluffant. C'est assez, voilà, ils sont assez similaires. Ils partagent de nombreux points communs. Quand même le coup des nazis là. Je vais y arriver. Bah, ça, moi, ça me parle. Enfin, ça me parle par rapport à ce que je Snyder. Hein. peux penser de, voilà, de cet univers. On termine par un fun fact. Et alors pour le coup, celui-là, je suis allé chercher, je ne sais pas où, je l'ai déterré du tréfonds des internets. En 2003, et on terminera donc par ça, en 2003, Marvel avait annoncé le lancement d'une mini-série qui n'a jamais vu le jour. Donc n'allez pas la chercher, à chercher à l'acheter ou à la lire après, elle n'a jamais vu le jour. Une mini-série qui allait être intitulée Die Another Day et qui introduisait une personne du monde réel dans l'univers Marvel, une personne qui allait être ressuscitée en tant que mutant ou mutante. Mais de qui pouvait-il s'agir? Qui était cette personne au centre de cette mini-série? Clément? Oui. Je sais pas, Elvis Presley? Non. Il faut chercher dans les personnalités plus récentes. Et le titre, Die Another Day, contient un jeu de mots. Donc, Si un nous la trouvez. personnage mort de la vie réelle qui est Un mort. personnage mort dans la vraie vie qui aurait été ressuscité en tant que mutant ou mutante dans l'univers Marvel. Ouais. Badai, c'est un film de. Oui, c'est le titre d'un James Bond. Oui. Ah. Ça peut avoir un lien, mais alors ténu, très ténu. Ah, donc c'est pas l'auteur de livre. Non, non. Un Non, c'est pas Ian. acteur. C'est pas Ian Fleming, c'est pas un acteur. Il n'y a pas d'acteurs de James Bond qui sont morts à ma connaissance d'ailleurs, hein, que ce soit Sean Connery ou d'autres, a priori. Hein. Sauf. Donc rien à voir avec James Bond en fait. Il y a un point commun avec James Bond, si, mais très fin, voilà, tiré par les cheveux, quoi. Il y en a. Ouais, donc il n'y en a pas. C'est ça. T'as pas un autre indice là? Le mot die n'est pas écrit comme vous le pensez. Hein? Le mot die, de Die Another Day, n'est pas Ah écrit de la ouais. façon. Avec un Y. Pas forcément, il y a plusieurs orthographes possibles. Mais si je vous la donne, ça sera trop facile. Ah, peut-être que pendant ce temps, nos amis auditeurs s'amusent aussi à essayer de découvrir qui est cette Il personne. y a une autre idée. Voilà, je peux juste vous dire que James Bond est au service secret de Sa Majesté. Et le rapport est de ce côté. Le rapport est de ce côté. Arnaud. Oui, Arnaud. Didi. Lady Di. Ah! Ah putain, je l'avais dit, oui, hein, merde, j'allais le dire. Mais oui, Ah c'est bah Lady. oui. Du coup, il écrit comment, d'ailleurs? Di. Ah, juste comme ça, d'accord. Voilà. Donc Marvel avait quand même comme projet de ressusciter Lady Di, donc Diana, en tant que mutante dans son univers. Oh non, heureusement qu'ils Ça l'ont aurait pas été fait. drôle. Ils avaient annoncé ça en grande pompe en été 2003, en pensant faire un raz-de-marée, et puis bah, ça n'a pas passé la barrière légale. Hein. Ah ouais. Ah, ils auraient pu faire ça avec le prince Charles avec ses grandes oreilles. Oh, mais il n'est pas mort. Ouais, mais on s'en fout. N'importe quoi. Je savais, de toute façon, vous avez subi des commentaires un peu étranges. Voilà, c'était. Voilà, voilà, vous voyez un petit peu le genre de fun fact que je vais aller chercher hein, cette année. Je vais aller vraiment creuser assez loin, et du coup, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Il y avait même des visuels et tout. Hein. Ouais. J'irai chercher sur Internet au moment où ils faisaient les annonces, etc. Il y avait des visuels. Et genre, elle avait quel genre de pouvoir? Ah bah je suis pas allé jusque-là, je t'avoue. Hein, j'étais suffisamment gêné par l'annonce, Tableau. par l'anecdote en elle-même. Pardon, mon Dieu, la tête qu'elle a. Ah bah voilà. Allez, on se quitte avant de faire des jeux de mots à base de photos et compagnie. Les prochains rendez-vous du côté de Comic Stories, c'est sur nos écrans 66. Le rétro sur The Flash qui devait avoir lieu la semaine dernière a été décalé puisqu'on vous a intercalé un petit autre truc entre les deux. Les questions-réponses de... J'ai oublié son nom, Victor Garber, tellement je l'aime. Donc du coup, on a décalé juste le rétro sur The Flash d'une semaine, donc il arrivera jeudi. Le prochain mag, évidemment, c'est mardi prochain. Quant au round 7 et 8, les deux derniers rounds d'Infinite Wars, c'est pour ce week-end. Et on vous mettra la finale très, très, très, très vite, c'est-à-dire avant la fin du mois de septembre. Donc, ça ne sera pas en week, ça ne sera pas pendant le week-end. Voilà. Et puis, petit instant pupute, bah, tous les épisodes de Comic Stories sont évidemment disponibles sur iTunes, sur PodCloud. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et par mail redac@comicstories.fr. Et n'oubliez pas de nous réclamer l'un des deux fascicules offerts par Urban Comics à l'occasion du Batman Day. Si vous l'avez raté, bah, voilà, on en a deux. N'hésitez pas à les demander. On se fera un plaisir de vous les envoyer. Allez, belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour tous ces nouveaux podcasts. À bientôt! Salut. Salut. Alors qu'il y en a un qui a un détecteur de fumée qui n'a plus de piles chez lui. Oui, en fait. En réalité, les piles sont neuves, elles ont été mises à une demi-heure et je ne sais pas pourquoi ils sonnent. Je peux l'enlever. D'accord. Tu peux si tu veux, sinon l'émission sera ponctuée de ces petits bips. Bon, bah, je peux revenir dans 2 minutes. Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je propose une petite transition musicale. Tu veux pas chanter, Clément? Je veux te chanter une chanson, mais... Ah bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, hein, tu sais. Ah ouais, mais ça va être vulgaire. Ah. Ouais, c'est sûr que la digue du cul dans un podcast comics, c'est pas... Pardon. La dernière fois que j'étais là, on parlait de... De comics, oui, bah maintenant, ouais. On a viré chanson paillarde, voilà. C'est une des nouvelles émissions qu'on prépare pour la rentrée. Eh ben, c'est normal, c'est les journées du patrimoine, hein. Vivons régional. Et... Ah bah ça. De toute façon, chanson paillarde. Hein. Voilà, on va faire. J'aime bien ça, les journées du patrimoine. Ah, qui aime les journées du patrimoine? Je sens que c'était quelque chose d'horrible. Qui aime bien les journées du patrimoine? Régine. Ah bah oui, elle aime bien te faire visiter. C'est ça. C'est les journées du patrimoine. Continuons, on va repasser aux séries télé. Le patrimoine, c'est bien, mais bon, on va parler de choses un peu plus actuelles.